Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 15. Du consentement. À quelle faculté de l'âme il appartient de consentir? À quoi l'on consent? Du consentement à l'acte extérieur. 1. Le consentement appartient-il à la volonté? Le consentement, qui marque l'application des facultés sensitives à un objet, appartient à la volonté plutôt qu'à l'intelligence. Il est un acte de la puissance appétitive expérimentant en quelque sorte certaines impressions par l'adhésion qu'elle leur donne et la complaisance qu'elle prend en elle. Note. Il y a cette différence entre l'assentiment et le consentement que l'assentiment se donne à un objet éloigné, et le consentement à un objet présent qui impressionne. L'assentiment appartient plus spécialement à l'intelligence, et le consentement à la volonté. Fin de la note. 2. Y a-t-il consentement chez les animaux? Les animaux ne font point l'application de leurs facultés appétitives à leurs actes, ils agissent par instinct, et ne consentent pas. Ce qui le prouve, c'est qu'ils ne sont pas maîtres de leurs mouvements appétitifs pour en disposer à leur gré. 3. Le consentement porte-t-il sur la fin ou sur les moyens? L'application du mouvement appétitif à la fin est moins un consentement qu'une simple volonté. On veut la fin, et on consent aux moyens en vue de la fin, car ce qui forme proprement le consentement, c'est l'application de notre mouvement appétitif à ce que le conseil a décidé. Le conseil ne portant que sur les moyens, le consentement doit également porter sur ces choses seules. Note. Nous consentons à ce qui mène à la fin, à cause de la fin elle-même, qui est l'objet, non pas du consentement, mais de la volonté. L'intempérant, par exemple, veut le plaisir, et, pour le plaisir, il consent à l'action, il se propose le plaisir plutôt que l'action à laquelle il consent. Fin de la note. 4. Le consentement à l'acte extérieur n'appartient-il qu'à la partie supérieure de l'âme? Le consentement à l'acte n'appartient qu'à la raison supérieure, ainsi appelée parce qu'elle renferme la volonté et se règle sur les lois divines. Nous lisons dans saint Augustin, « Tant que notre esprit, qui seul a le pouvoir de donner l'impulsion aux membres du corps ou d'en arrêter les mouvements, ne cède ni ne consent à une mauvaise action, on ne peut pas affirmer que le péché a été réellement commis. En effet, aucun jugement de la raison inférieure ne peut être regardé comme définitif tant que la raison supérieure, qui se règle sur la loi divine pour juger des biens sensibles et des actions humaines, n'a pas encore porté sa sentence en donnant ou en refusant son consentement. Note. Il en faut dire autant du consentement au plaisir de l'action, il appartient à la raison supérieure, au même titre que le consentement à l'action. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.